Alors expliquez-moi ce qui se passe. Je viens du futur, dans une machine à voyager dans le temps que vous avez inventée. Vous êtes fou, mon petit. À marche à l'électricité, mais il faut une réaction nucléaire. Une pression en avant, et la machine se déplace vers le futur. Une pression en arrière, vers le passé. Bon, très bien. L'anachronique culturelle. Vers l'infini et au-delà. Mathilde Serrel. Atterrissage réussi en 1519. Un mètre 97 d'ambition. Le jeune, le grand, le fort, le fougueux François Ier, roi de France, vient cependant de perdre l'élection impériale face à son meilleur ennemi, Charles Quint. Mais, a-t-on appris hier, il a signé une ordonnance pour la construction d'une nouvelle résidence royale, Chambord. D'après ce que l'on sait du projet, François Ier semble se bâtir sa propre légitimité impériale, ainsi que sa légitimité spirituelle. Il y a 3 ans, en 1516, le roi a signé le Concordat de Bologne, qui en fait le premier de tous les princes chrétiens. C'est exactement le même plan que Saint-Pierre de Rome qu'on est en train de construire au même moment. Donc le roi de France, en fait, ici, est en train de rivaliser avec le pape. Pour François, le ciel n'est même pas une limite. Mais ce château de Chambord, pensé au départ comme une résidence de chasse, est-il seulement la mise en pierre d'un pouvoir ? En pleine forêt, beaucoup trop éloigné de Blois ou d'Amboise, c'est un lieu où précisément on ne peut pas exercer le pouvoir. François Ier se ferait-il donc bâtir cet immense château pour la forme ? Un château pour le geste ? Un rêve ? Oui, vous l'aurez compris, moi j'ai un rêve. Il a un rêve, il a un rêve. Loin d'être cruel, je suis plutôt bon élève. On raconte d'ailleurs que le château s'inspire de la cité idéale, notamment celle de Leone Battista Alberti, dont les traités d'architecture circulent grâce à l'imprimerie. Cette cité idéale doit être bien proportionnée, droite, majestueuse et utiliser le nombre d'or dans son architecture. Mais elle doit aussi être un centre politique et fourmiller de philosophes qui échangent leurs idées et réfléchissent à la meilleure organisation politique possible. Il faut dire que tout prince guerrier qu'il est, François est aussi un champion des joutes verbales depuis son adolescence, un garçon frotté de littérature qui se rêve en prince artiste comme les Médicis. Il sera de ces souverains éclairés qui savent qu'une époque n'est grande que par ses monuments et que le fauteuil où s'assied le roi, la coupe qu'il lève, l'habit qu'il porte, peuvent ennoblir un règne ou le condamner. Il paraît que tous les logis du château seront au même niveau, sans distinction entre le roi et ses compagnons. François Ier, pétri de culture chevaleresque, a donc voulu garder, semble-t-il, cet esprit égalitaire de la table ronde, où le souverain n'occupe pas une place différente de celle des autres chevaliers. On dit encore que le château s'inspire de cette cité de Dieu qui est très à la mode en peinture en ce moment. La Jérusalem céleste et terrestre décrite par saint Augustin. Comme elle, le château comportera 4 façades d'égale dignité et chacune des façades est percée de 3 portes qui ouvrent chacune sur une partie du monde. Ce château semble conçu en vortex. Son double escalier à vis, placé et c'est du jamais vu au centre du plan, reprend d'ailleurs ce motif de mouvement perpétuel que l'on voit sur les dessins du vieil italien Léonard de Vinci. Léonard, que François considère comme un génie, vient de mourir, mais pendant sa résidence d'artiste, 2 ans au Clos Lucé, il a forcément dû échanger avec le roi. On peut penser que les 2 tours et la partie centrale, ça c'est le plan de Léonard de Vinci, et sinon son plan, l'application de ses principes d'architecture. Et comme il n'a pas eu d'autres réalisations architecturales, ça veut dire que c'est sa seule œuvre d'architecture au monde. C'est peut-être la Joconde de pierre, en fait, Chambord. Pour ma part, j'ai l'intention de faire un voyage dans le futur. Transportation réussie. Vous êtes de retour au 21e siècle. Ce que l'on peut dire, 500 ans plus tard, c'est que Chambord n'est pas un château. C'est une utopie. littéralement un lieu topos qui n'existe pas. Contemporain de l'utopie de Thomas More, cette nouvelle merveille du monde n'est pas un monument à la gloire du prince architecte François Ier. C'est une idée métissée. Yannick Mercoirol, directeur de la programmation artistique de Chambord. Les premiers projets concourent à la création d'une idée devenue pierre, devenue sculpture monumentale, à partir d'un certain nombre de concepts, à partir du croisement, du métissage d'un certain nombre de choses, la Jérusalem céleste, les cités idéales et du Quattrocento, la culture chevaleresque, la nécessité d'imposer son pouvoir, la volonté aussi d'être véritablement le roi chef de la chrétienté, d'où la fleur de lys au sommet de l'édifice qui en fait est le sommet de l'escalier lui-même. Et donc vous avez comme ça un empilement de sens qui ne s'annule pas les uns des autres, bien au contraire, qui s'enrichissent les uns des autres pour faire de ce château quelque chose d'aujourd'hui encore assez mystérieux. Il est un château, mais il est peut-être tout sauf un château. Il est une grande sculpture vide, il est un monument idéal, il est un espace inhabitable, il est un concept minéral. Il n'est pas vraiment un château. Après la mort de François Ier en 1547, Chambord a quasiment la forme qu'on lui connaît au XXIe siècle. Seul Louis XIV en aura abîmé le concept, changeant un bras du premier étage pour y établir sa suite royale. C'est qu'il n'a pas compris que Chambord est précisément l'anti-Versailles. Contrairement à Versailles, construit un siècle et demi après, pour le plaisir et la propagande du roi, Chambord n'assoit pas le pouvoir du politique, il définit une politique. On n'est qu'au début de ce qu'on appellera l'absolutisme. En tout cas, au moment où s'invente Chambord, il y a encore vraisemblablement le rêve d'une petite bande, d'une sorte d'égalité ou en tout cas d'intimité entre le roi et ses conseillers, pouvant être, c'est le cas sans doute de Léonard, des artistes. Construire une ville, c'est construire la forme d'un bon gouvernement. Architecture et politique sont intimement liées, c'est-à-dire le bon gouvernement, au fond, est lié à une bonne architecture. Si l'on devait retrouver l'esprit de Chambord aujourd'hui, ce serait quelque part entre l'agilité du Centre Pompidou. Il ne s'agit donc pas seulement d'une bibliothèque ou d'un musée ou d'une maison de la culture, il s'agit d'un complexe vivant, souple, qui doit sans cesse s'adapter à l'évolution du monde contemporain. Et le pouvoir poétique du château dans le ciel de Miyazaki.